elle chante avec le nez, elle, hein. Moi je sais pardonner, moi je sais pardonner. Ah ouais, attends, je vais essayer, attends. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris ce si raisonnable et nouveau. C'est ainsi vache ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que des douces saisons, les amants et ses pas, c'est fort que tu saches. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses d'autres dansent des heures, j'irai chercher ton âme. Dans les froids, dans les flammes, je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Oh, fais chier, putain, c'est quoi ce truc là? Comment elle chante? Merde. Céline, hein, t'as d'arbois. Attends, comment elle chante? Ok, j'écoute un peu. C'était le temps d'avant. Que tu sais sous la... Oh merde. Les amours, c'est pas si faux. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses d'autres, d'autres dansent des heures, j'irai chercher ton âme. Dans les froids, dans... Oh putain, mais j'ai l'impression de me serrer les couilles, quoi. Putain, bordel de merde. Fuck! Et je dirais même double fuck! Et les gars, vous me faites faire des choses là incroyables sur John Taba. Hein. J'aurais jamais cru que je chanterais comme un petit René. Hein. Attends. J'ai pas exagéré quand même. Hein. J'ai bien compris tous les mots. J'ai bien compris, merci, raisonnable et nouveau à la Angelia. Ouais, c'est ainsi par ici que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Oh, fais chier, je l'ai pas. Et quand je l'ai pas, bah je l'ai pas. C'est pas de ma faute, hein. girl and make them cry. Kiss the girl and make them cry. Kiss the girl and make them cry. Georgie Pooja pudding pie. Kiss the girl and put it. And. Georgie Pooja pudding pie. Kiss the girl and make them cry. Kiss the girl and make them cry. Kiss the girl and make them cry. Georgie Pooja. Georgie Pooja. Georgie. Tabernacle de Steve Callis, Cyberware de Jésus de Vierge. Well, I know it. Baby, baby, baby. Je cherche ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses d'autres dansent des heures. J'ai cherché ton âme dans les froids, dans les flammes, je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Bon, une fois que je la fais sérieusement, bordel de merde. Faut que tu m'aimes encore. Il faut que tu saches. Fallait pas m'attirer, me toucher, fallait pas t'en donner. Moi je sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres fantasient. Je ne suis pas les autres. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche, je veux que tu saches, je veux que tu saches. Je cherche ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses. C'est mou tout ça, c'est mou. Oh, je veux que tu saches. Je veux que tu saches. Avant que les autres m'emportent ailleurs, dans la cabane au fond du jardin, dans la cabane au fond du jardin, dans la cabane au fond du jardin, dans la cabane au fond du jardin, dans la cabane au fond du jardin. Comme tout d'un coup, je me suis sentie femme aujourd'hui. Je me suis sentie Céline Tabernacle. So guys, start. Va dynamiser tout ça, hein. Something more rock, please. So guy, I let you start, huh? Blah blah blah blah blah blah. La Nouvelle-Calédonie a déjà donné, hein. C'est à vous les 22 000, hein. On vous appelle les 22 000 dans les îles, ici en Australie ou en Nouvelle-Calédonie aussi. Les gens de 22 000. Ouais, allez, vas-y pour cocaïne. Emmanuel Macron, start first. Start something in D, open D. Let's take my guitar. Okay. Something in open D. We'll be right back. croissance. Somme vent sur la force. Allez, belle, belle de croissance. Somme vent sur la force. Allez, belle, belle de croissance. Thank you. flesh. Do to us flesh. Do to us flesh. Do us. Yeah. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Mais alors les nouveaux sont ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant, qui était sous les arbres, là, sous les amours, c'est pas. Il faut que tu saches que j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres danses des heures, j'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Et je te jetterai des sangs pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Je recherche ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres danses des heures. Je recherche ton âme, dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sangs pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Baby, go guitar. No waste on the place. Go on my friend, go on bro. C'est ainsi par les cieux. Que les choses ont changé. Que les fleurs ont fané. Que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Tu recherches ton cœur, si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres danses des heures. Tu recherches ton âme, dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sangs pour que tu m'aimes encore. Fuck.

and go into the gym.

comme une tartine à la merde. Plus dur en été épais, et plus ça goûte la merde. Plastique tabernacle, comme disait ma grand-mère. C'était il y a fort longtemps. Nous étions assis ici, sur une plage douce. Goodbye, my friend. Goodbye, my friend. Goodbye, my friend. Goodbye. Bye bye, Joe. Goodbye, my friend. Oh, goodbye, my friend. Goodbye. La cuisine italienne, non, non, que la pizza ça ne me gêne pas, mais je préfère la pâte bolognaise de maman, et oui, c'est comme ça. Goodbye, my friend. Goodbye, my friend. Goodbye, my friend. Goodbye. Ce que j'aime aussi, c'est un vrai cassoulet, très gras et salé. Un cassoulet qui vient de Carcassonne. C'est le meilleur cassoulet, c'est le meilleur cassoulet du monde. Et celle-là, je vous le conseille. Ça fait bien péter, ça fait bien aller aux chiottes. Et ça, c'est le meilleur des cassoulets. Alors écoute bien. Goodbye, my friend. Qu'est-ce que vous proposez comme recette? Un marmiton? Un saladier mélangé, le sucre glacé, le beurre non coupé en petits morceaux, la poudre d'amande et l'œuf, verser 7 crèmes d'amande sur le fond de tarte. Rincer les figures à l'eau et couper-les en rondelles ou en quartiers. Disposer les morceaux en rosa sur la tarte enfournée pendant 30 minutes. Pendant la cuisson, préparer le nappage pour mélanger le miel et le jus de citron dans une casserole, puis les porter à ébullition, retirer de le feu aussitôt, à sortir du bain, appeler à la tarte à l'arbre d'un serveur pour donner le feu. Pensez du skater de l'opéra froid. Diététique, diététique, diététique. Ça s'appelle la tarte aux figues. Thank you.